Vous êtes bien sur France Culture pour une nuit spéciale au cimetière. Nous venons d'entendre trois archives. La première sur les rites funéraires et le travail du deuil, comment vivre la mort. La deuxième sur la nourriture des morts et des endeuillés. La troisième sur l'école des croque-morts. Nous allons abandonner les rituels pour nous intéresser maintenant avec vous, Marie-Frédérique Baquet, aux revenants. C'est une question qui intéresse beaucoup la psychanalyste que vous êtes. Oui, absolument, parce que au-delà, je dirais, des visions, très fréquemment, les consultants, les personnes qui demandent, peut-être pas directement une analyse, mais en tout cas une aide psychologique, psychothérapeutique, se plaignent d'être envahis par leur mort. Et il existe aussi, par ailleurs, des gens qui se plaignent justement de ne pas assez pleurer à leur goût. Mais prenons le cas de ceux qui sont envahis par leur mort. Ce sont des personnes qui ont vécu une mort en général non attendue, non prévue, et qui... Mort brutale, vous voulez dire? Oui, enfin, plus ou moins brutale, mais ça peut être une maladie rapide. Et donc, il y a non seulement la rapidité, la brutalité de la mort, mais il y a souvent un conflit qui n'a pas été résolu. Et ce conflit peut être conscient, mais il est la plupart du temps inconscient. C'est-à-dire que les gens sentent bien que quelque chose ne va pas, quelque chose n'avait pas été peut-être résolu avec le proche, mais ils ne savent pas quoi. Et ils sont à la recherche de ce conflit, peut-être, qui va leur permettre, ils en sont convaincus en tout cas, d'être maintenant tranquilles. Donc en fait, le mouvement des morts, l'agitation des morts est évidemment... Il faut le savoir, bien sûr, il faut en être sûr, est évidemment du côté de l'endeuillé. C'est-à-dire que ce sentiment d'agitation est interne, c'est lui qui le ressent. Bien sûr, il dit que ça vient de l'extérieur, que ça vient de son mort. Mais la réalité va passer par un travail psychologique avec lui. C'est-à-dire qu'on va essayer... par association libre, car encore une fois, en psychanalyse, on ne force pas la personne, on ne lui dit pas « vous allez me dire ce qui se passe », etc. La personne associe librement, parle librement, et à un moment, elle va revenir sur son deuil. Et on va se rendre compte que certaines choses n'ont pas été claires avec le proche. Le proche est souvent un parent qui a porté un secret. Le secret peut porter sur la naissance de la personne, le secret peut porter aussi parfois sur des situations sexuelles non résolues, des situations sexuelles ambiguës, etc. Et grâce à la confiance établie avec le thérapeute, avec le psychanalyste, eh bien, petit à petit, l'histoire compliquée, l'histoire ambiguë, va réapparaître. Et le fait de pouvoir la redonner au psychanalyste va permettre... en général, c'est ce qui se passe, bien sûr, de convoquer, en quelque sorte, le mort, de lui permettre de dire, finalement, ce qu'il n'a pas eu le temps de dire, à travers, finalement, la voix de l'analysant, qui a su, qui a entendu, quand il était petit, l'histoire, mais qui n'en a pas conscience, et qui va pouvoir la redonner, on va la reconstruire ensemble, bien évidemment, en toute confiance, et, en général, le mort qui était convoqué en permanence, en particulier dans le sommeil, puisque quand nous dormons, nous sommes obligés de laisser aller nos défenses, et mais du même coup, les morts en profitent pour revenir, bien sûr, et c'est à ce moment-là que on se sent persécuté par ces morts. Il y a des situations tout de même délicates. Par exemple, quelqu'un meurt après s'être violemment disputé avec une autre personne qui lui est chère, son mari par exemple, ou sa femme. Oui, ce sont les situations les plus difficiles. Et ça, ce sont des situations certainement très très difficiles, oui. Parce que, alors, vous dites quelque part, mais à propos de tout à fait autre chose, d'autres situations, des suicides, etc., vous dites que la psychanalyse ne devrait peut-être pas employer le mot de pardon, mais que néanmoins, il y a quelque chose de cet ordre-là qui doit entrer en jeu, alors. Oui. Alors, en effet, pardonner des choses qui sont totalement irréparables, en fait, hein, comme par exemple certains meurtres, des viols, et ne parlons pas, enfin, ou du moins parlons-en, mais les situations de meurtres collectifs, et en particulier génocidaires, par exemple, là, le pardon n'est pas possible. Mais en revanche, ce qui me semble possible, c'est une certaine forme de parole. Et donc, la psychanalyse, qui repose vraiment sur la parole, va permettre à l'endeuillé de pouvoir émettre une parole, justement, sur ce qui est indicible. Et donc, en exprimant finalement ce qu'il ressent profondément, et des fois, il y a quelque chose de l'ordre de l'ambiguïté vis-à-vis du bourreau, par exemple, eh bien, les choses vont se mettre en place. C'est-à-dire que cette histoire qui n'avait ni queue ni tête, qui était totalement morcelée, va d'un seul coup prendre sens. Et bien sûr que on peut dire que les choses n'ont pas de sens. Regardez ce qu'inscrivaient les nazis au frontispice des camps de concentration. Es gibt kein Warum. Il n'y a pas de pourquoi. Vous vous demandez pourquoi, mais il n'y en a pas de pourquoi. Vous voyez, donc, il y a des choses qui n'ont pas de sens et qui donc sont impardonnables. Mais cependant, du côté des victimes, il est important de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on a vécu. Peut-être les gens doivent-ils aussi, Marie-Frédérique Baquet, apprendre à... se mettre en paix avec eux-mêmes, mais c'est pas toujours tellement facile ce genre de choses. C'est même d'autant plus difficile lorsque les personnes ont vécu des actes mortifères quand elles étaient petites. Le problème, c'est bien que quand on est un enfant, on a beaucoup de mal à mettre des mots sur ce qu'on vit parce qu'on n'a pas le vocabulaire à sa disposition. Et plus tard, même adulte, on ne peut pas trouver les mots de la vie d'adulte à mettre sur les actes qu'on a subis étant enfant. C'est pourquoi le principe de la psychanalyse est intéressant, puisqu'il y a une forme de régression qui permet de retrouver le statut d'enfant et à ce moment-là, grâce à l'aide du psychanalyste, de pouvoir trouver d'autres mots, des mots nouveaux ou des mots du vocabulaire des adultes pour pouvoir exprimer ce qu'on ressent. Et du même coup, les visions qui sont parfois des illusions d'optique. Le plus souvent, bien que de temps en temps on puisse apercevoir quelques hallucinations, mais en réalité, ce qu'on appelle les revenants, ce qu'on appelle les fantômes, qui peuvent être des images visuelles, sont en fait des recompositions d'illusions. Par exemple, prenons le cas de la disparition d'un chat, un animal aimé, eh bien, la personne est convaincue d'avoir revu son chat, alors qu'en réalité, il s'agissait d'une besace, d'un gros sac qui avait la forme d'un chat. Vous voyez, ce sont des illusions d'optique qui vont être prises pour la personne. Par exemple, ce peut être des illusions auditives. Une dame venait me voir parce qu'elle entendait les clés de son mari dans la porte. Sans doute était-ce d'autres personnes des voisins qui mettaient leurs clés dans la serrure, mais elle était convaincue qu'il s'agissait de son mari qui revenait. Alors il y a quand même des cas vraiment limites, par exemple quand un proche se suicide ou quand on perd un enfant, là il y a quand même, on peut dire, une impossibilité du deuil. Oui, alors impossibilité du deuil, donc en tout cas difficulté majeure, complication du deuil, et bien sûr, je pense que vous allez me dire, les auditeurs vont penser, mais pourquoi faut-il des spécialistes du deuil ? Mais en réalité, nous ne sommes pas des spécialistes du deuil normal, du deuil courant, du deuil naturel. Si nous intervenons, les psychologues, les psychanalystes, les psychiatres, c'est dans des cas justement extrêmes, ceux que vous citez. Les deuils après suicide, par exemple, sont toujours extrêmement difficiles. Les deuils après catastrophe, les deuils où on a soi-même failli mourir, hein, ce que j'appelle les deuils post-traumatiques, donc après un traumatisme où on a failli mourir et où on est vivant, mais on a vu des gens, des collègues, des amis, des parents mourir à ses côtés, sont des situations, effectivement, on a besoin d'une aide psychologique, d'un accompagnement à faire le deuil. Alors, la première archive que nous entendrons dans cette deuxième partie de notre nuit est un entretien avec Toby Nathan qui explique que les naissances sont liées aux morts pour en quelque sorte... disons, venir combler un vide, voilà. Comment est-ce que vous interprétez ce rapport mort-naissance, Marie-Frédérique Baquet ? Oui, alors ce qu'on a observé là, cette fois-ci, au niveau anthropologique, donc dans toutes les sociétés primitives et les sociétés modernes, bien sûr, c'est que la société n'aime pas la mort. Et la mort, dans un groupe, crée véritablement un chaos social. Et donc l'idée... Ça vient perturber quoi, évidemment. Oui, ça perturbe l'ordre social. Et donc l'idée de la société, c'est qu'effectivement, il faut remplacer un mort par un vivant. D'où toutes ces injonctions que subissent par exemple les jeunes parents qui ont perdu un bébé et qui s'entendent dire mais t'en fais pas, tu en auras un autre, ne t'inquiète pas. Et bien sûr, ces paroles sont extrêmement blessantes pour les parents. Cruelles. Cruelles, alors qu'en fait, il n'y a pas de malveillance de la part des proches, mais simplement une idée que, mais voilà, le trou va être comblé dans la société et donc on va récupérer un vivant. C'est pourquoi Toby Nathan et bien d'autres anthropologues observent que la société effectivement consacre du temps et de l'énergie au rituel funéraire, mais qu'après c'est fini. Et donc, on demande... La vie reprend ses droits, comme on dit. Voilà, on va demander à la veuve, soit de disparaître de la société, par exemple la veuve du chef dans certaines sociétés africaines, et ça Louis-Vincent Thomas l'a très bien décrit, soit alors on va demander à la reine de se remarier et de reprendre un époux pour combler, bien sûr, l'absence du trône. Donc on voit bien que dans toutes les situations, quel que soit le statut social de la personne, il ne faut pas laisser de vide. Et donc on se sent obligé vraiment de reprendre femme, époux, etc., ou de disparaître, ce qui est souvent le cas des femmes. Les hommes sont plus stimulés à se remarier. Et les femmes jeunes, lorsqu'elles étaient reines, par exemple reines de France, eh bien là, elles étaient bien sûr présentées à un autre chef de royaume pour bien sûr combler le vide de la royauté, de la direction de l'État. On va entendre également une archive qui s'intitule « Fantômes, zombies et soukounians ». Alors, je rappelle que les zombies, ce sont des morts vivants, que les soukounians, eux, vivent la nuit dans un monde parallèle. Est-ce que ces mythes reposent sur des fonds communs, Marie-Frédérique Baquet? Est-ce que, par exemple, il y a des histoires de morts vivants dans certaines îles mais est-ce que cette forme-là de mythologie existe en Europe, par exemple? Oui, parfaitement. Il n'y a pas qu'en Haïti qu'existent des morts-vivants. De tout temps, on a observé, bien sûr, des retours. Et les mythes des vampires sont bien l'équivalent des zombies, bien évidemment. Donc, on retrouve les vampires du côté de la Roumanie, par exemple, en Transylvanie. Mais de tout temps, par exemple, chez les Romains, il y avait, bien sûr, des morts mal enterrés. Ce qu'on a appelé pendant longtemps la malmort, par exemple, on la retrouve bien sûr au XVIIIe siècle. Prenons le cas, Georges Sand nous en parle très très bien. Mais tout ça existe déjà dans l'Empire romain et certainement bien en amont dans d'autres sociétés. D'ailleurs, à Rome, on enterrait les gens le nez, la face contre la terre, avec les pieds bien enterrés du côté du centre de la terre. Absolument. Pour ne pas qu'ils aient envie de revenir. Voilà. Marcher chez les vivants. Et... Bien sûr, absolument. Dans le monde chrétien, il était fondamental que les mains puissent être jointes, on ne sait jamais. Et à plusieurs reprises, j'ai lu des histoires de fantômes où tout simplement, il était nécessaire d'exhumer le mort. Et comme par hasard, on se rendait compte que l'un des bras n'avait pas été joint à l'autre bras, il fallait replacer les bras. Parfois, les morts avaient bougé dans le cercueil et donc n'étaient plus en position de prière. Et donc, il est bien connu aujourd'hui qu'il est nécessaire de satisfaire les rites dans leur entièreté, car sinon, on prend le risque de retour du mort. Donc la malmort, vous voyez, ce n'est pas seulement un mort qui aurait été un meurtrier recherché ou encore victime d'un crime, car ce sont des possibilités différentes bien sûr, mais qui conduisent à la malmort, mais ça peut être tout simplement des rites mal faits, des rites mal assumés. Par exemple, une histoire romaine d'un esclave qui était resté enchaîné et qui hantait la maison du patricien qui y avait aménagé, avait nécessité qu'on détruise une partie des caves. Donc tout ça se passe sous l'Empire romain, bien entendu, et qu'on retrouve l'esclave mort enchaîné et donc non enterré, qu'on le retrouve et qu'on lui fasse pratiquer des funérailles, car bien sûr, il était aussi du devoir du maître patricien d'enterrer ses esclaves. C'est d'ailleurs toute l'histoire d'Antigone également qui... Antigone qui cherche à enterrer ses frères et qui va lutter contre Créon jusqu'à la mort pour pouvoir les enterrer, car c'est un sacrilège que de ne pas enterrer les morts. Alors, pour les soukounians, il y a tout de même aussi des équivalences. Ces morts qui acquièrent tout d'un coup des pouvoirs tout à fait exceptionnels. Je pense qu'il y a des certainement vous avez vu ou entendu des gens qui pensaient que les morts avaient un grand pouvoir sur eux. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, Marie-Frédérique Baquet ? Oui, alors là, ce sont des situations où les morts ont infligé une blessure qui peut être d'ailleurs tout à fait psychologique et pas du tout physique aux personnes et donc conservent ce pouvoir par-delà la mort parce que justement les rites funéraires n'ont pas permis de requalifier finalement même les puissants, car vous le savez, on le voit bien dans la mort du dauphin par exemple, les puissants rejoignent les faibles, et d'ailleurs la chrétienté, le discours du Christ est bien là pour le dire, hein. Tout le monde se retrouve à égalité d'une certaine manière. En paradis, mais bien sûr en enfer, les représentations eschatologiques, c'est-à-dire du jugement dernier, le montrent bien. On voit même des évêques, on voit même des papes qui se retrouvent en enfer. Voilà, qui se retrouvent dans des situations tout à fait déplorables. Et donc cette vision du monde moyenâgeuse rétablit en quelque sorte l'équilibre. Donc les morts, visiblement, la mort, pardon, redonne une chance aux morts et finalement rétablit la possibilité d'être au même niveau. Donc un mort qui reste tout puissant, c'est quelqu'un qui peut-être a passé un pacte. Alors là, c'est là où arrive la question du diable, pour lui permettre de conserver son statut par-delà la mort. Est-ce qu'il y a encore des croyances de ce genre, de cet ordre aujourd'hui, au moment même où précisément la mort se banalise et s'efface ? Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que on ne croit plus à ses croyances. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas croire ce qu'ils ressentent. Donc il est tout à fait possible que, par exemple, des personnes ressentent la présence des morts, mais ils la refusent. Ils la refusent et ils disent « Mais non, je suis fou, je viens vous voir, mais franchement, je n'arrive pas à... Mais oui, mais pourtant, c'est bien ce qui se passe. Je ressens la présence des morts. » Vous voyez, ils ne croient plus à la croyance, mais la croyance est toujours là. C'est-à-dire que ce qu'on vient de dire pour les rites funéraires qui, au total, ne changent pas tellement, mais sont bricolés au fur et à mesure du temps qui avance et des modifications sociétales, eh bien, c'est la même chose pour les croyances. Les croyances, elles persistent, mais on refuse d'y croire. Et donc, les gens s'en plaignent, mais se disent « je suis fou, ce n'est pas possible », ou bien encore « il vaut mieux que je réprime ces idées qui sont absurdes et je n'en parlerai pas ». Vous aviez préparé un conte de Grimm à nous raconter, Marie-Frédérique Baquet. De quoi s'agissait-il et pourquoi est-ce que vous teniez tellement à ce conte ? Oui, alors c'est vrai que chez les frères Grimm, dits Brüder Grimm, qui étaient donc de l'autre côté de la frontière allemande, et comme je vis à Strasbourg, évidemment, j'y suis particulièrement sensible, donc qui vivaient en forêt noire, les frères Grimm ont repris la plupart des mythes. Ont récolté. Bien sûr, les ont récoltés du côté de l'Allemagne. Alors, c'était l'Allemagne très chrétienne, l'Allemagne de la Bavière, qui est extrêmement catholique, bien sûr, mais ont repris dans dans leurs contes destinés aux enfants, et leurs contes également domestiques, puisqu'ils leur donnent deux catégories. Ils ont repris donc les grands mythes. Par exemple, l'histoire des sept corbeaux raconte ses parents qui, déçus naissance après naissance de n'avoir que des fils, implorent le ciel et supplient d'avoir une fille. Petite fille qu'ils mettent au jour. À un moment, voilà que ce huitième enfant arrive et c'est une fille. Et donc, ses parents sont absolument comblés et veulent tout à fait s'occuper de la petite fille et finalement délaissent un peu les sept garçons. Et un jour, pour le baptême de la petite fille, ils envoient les sept garçons à la fontaine. Les sept garçons, bien évidemment, turbulents, se disputent à la fontaine et font tomber la cruche et la casse. Et à ce moment-là, le père, constatant que le baptême ne va pas être possible puisqu'on n'arrive pas à avoir d'eau, maudit ces garçons et leur dit qu'ils se transforment en sept corbeaux. Et à peine a-t-il prononcé ces mots que un bruissement d'ailes se fait entendre et il voit sept corbeaux s'enfuir dans le ciel. Ces sept corbeaux, alors c'est très intéressant car le corbeau est un animal psychopompe. Psychopompe, ah oui. Ça veut dire que c'est un animal qui est un passeur d'âme. Vous le savez, les animaux psychopompes sont principalement donc les oiseaux, mais bien sûr plutôt le corbeau, oiseau noir. Oui, qui est... un peu, c'est le pendant de la cigogne. C'est surtout le pendant de la colombe, oiseau blanc, oiseau voilà. pur. Hein. Parmi les animaux psychopompes, nous avons aussi les chiens et les chevaux. Donc, les sept corbeaux s'enfuient à tire-d'aile et les parents se consolent tant que faire se peut avec la petite fille. Un jour, la petite fille entend parler de ce qui s'est passé avec ses sept frères. Alors, vous voyez tout de suite le secret de famille, bien sûr. Elle ne savait pas, ou elle avait oublié, qu'elle avait sept frères. Et elle apprend qu'elle est la cause de la mort, de la disparition de ses sept frères. Et aussitôt, elle décide d'aller les rechercher. Donc, elle part en campagne et elle rencontre le soleil qui veut la brûler, la faire cuire pour la manger. Elle rencontre la lune, méchante et froide, qui veut aussi la dévorer. Et heureusement, elle rencontre les étoiles qui décident de lui donner un petit os pour lui permettre d'atteindre la montagne de verre où se trouvent enfermés les sept corbeaux. Et donc, ce petit os, vous devinez, c'était également un équivalent symbolique de la mort. Donc, munie de son petit os, elle arrive à la montagne de verre, et là, elle se trouve devant une grande porte. Elle veut introduire le petit os dans la serrure, mais s'aperçoit avec horreur qu'elle a perdu son petit os. Aussitôt, très courageuse, elle prend son petit couteau et se coupe le petit doigt qu'elle introduit dans la serrure et ouvre la montagne de verre. Là, elle rencontre un nain qui lui dit « Mais messieurs les corbeaux sont partis en voyage, mais je sais qu'ils vont revenir, ils vont rentrer ce soir. Ne vous inquiétez pas, prenez place, regardez, j'ai mis le couvert. » Et en effet, elle voit sept petits gobelets d'or et sept petites assiettes d'or. Elle va s'asseoir à table et elle décide de manger une petite portion dans chaque assiette d'or et de boire une petite goutte de vin dans chaque gobelet d'or. Puis finalement, elle s'assied sur l'une des chaises et elle s'endort. On entend les vols des ailes des corbeaux, les ailes des corbeaux qui font ce bruissement si caractéristique, et les corbeaux entrent dans la pièce. Et à ce moment-là, se rendent compte qu'on a bu dans leur gobelet d'or et qu'on a mangé une petite partie de ce qui se trouvait dans leur assiette d'or. Ils s'éveillent, ils réveillent la petite fille et la reconnaissent, c'est bien leur sœur. À ce moment-là, le sort magique est délié. Les sept corbeaux redeviennent les sept frères et les sept frères et leur petite sœur reviennent dans leur famille et retrouvent les parents, bien punis d'avoir prononcé cette malédiction, mais heureux de retrouver, grâce au sacrifice de la petite fille, les sept corbeaux. Donc voilà, qu'est-ce qu'on voit dans ce conte magnifique ? On arrive à comprendre, alors bien sûr, au prétexte de la religion catholique, puisqu'on voit bien que les étoiles représentent bien sûr les saints qui sont dans le ciel, au prétexte de la religion catholique, on voit la possibilité, à travers le talisman qui est le petit os, donc l'os qui est un reste, comme on le voit, un reste des cadavres, un reste des cadavres des frères, car les frères transformés en animal psychopompe, donc le corbeau, sont allés de l'autre côté, bien sûr, ont passé l'âme des frères, mais reste quand même, à l'image de corbeau, la possibilité d'un lien avec le monde. Vous voyez que ce lien avec le monde est dû à ce deuil qui n'est pas un deuil normal, puisqu'ils ont été transformés en animal parce que leurs parents les ont maudits. Donc du coup, ils sont passés de l'autre côté de la frontière des morts, mais pas comme des morts normaux, ils sont des revenants. Donc comme animal psychopompe, évidemment, les corbeaux vont et viennent dans l'univers des vivants, donc nous les vivants, et du côté des morts. Mais du côté des morts, bien sûr, il faut franchir la frontière. Et pour la franchir, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut un sacrifice. Alors le talisman, au départ, c'est le petit os, donc le reste des morts. Mais ce qui est intéressant, et là évidemment les psychanalystes vont sourire, c'est que cette petite femme est amenée à se castrer, à se couper le petit doigt. Donc on est ici du côté de la castration et du côté de la petite femme qui se voulait toute puissante et qui était toute puissante dans le discours de ses parents, puisqu'elle venait compenser les sept morts. Donc c'est au fond un conte qui s'adresse aux filles. C'est un conte qui s'adresse à tous, qui s'adresse aux parents d'abord, ne prononcez jamais d'injonction. Et de malédiction contre et vos enfants. Et bien sûr, de malédiction. Et ça, c'est un discours qui est assez fataliste. On sait, par exemple, chez nos amis du Maghreb, que certains mots ne peuvent pas être prononcés. Par exemple, comme « mon enfant, comme il est beau », etc. Il vaut mieux pas que les parents disent ça, parce que sinon, la sentence va être immédiatement prononcée. Donc, il y a des mots qu'on ne peut pas dire. Vous voyez, donc il y a des mots qui sont tabous, bien évidemment, donc on ne peut pas dire, et qu'on va payer très cher. Et d'autre part, la notion de passage, vous voyez, du territoire des vivants au territoire des morts, c'est toujours, ça passe toujours par un sacrifice. Et bien sûr, ceci nous renvoie à l'Iliade et l'Odyssée, où on voit comment Ulysse passe dans le territoire des morts, et ceci est quand même une interdiction absolue. Et donc Ulysse a la chance de rencontrer Achille, hein, et Achille lui dit mais regarde comme je suis malheureux, regarde, je repense à mes terres que je pouvais cultiver, etc. Et Ulysse comprend bien qu'il est en train de faire quelque chose qui est absolument interdit. Donc au fond tout nous dit que la mort doit être loin de nous, que les morts et les vivants doivent être séparés, strictement séparés. Absolument. Ça, c'est une grande réalité. Et pour se séparer, il faut accepter, bien sûr, le passage par la mort. Et pour l'accepter, il faut, premièrement, de la modestie et, deuxièmement, des passeurs. On le voit bien avec les animaux psychopompes, mais on le voit aussi, bien sûr, avec les humains, dont c'est le rôle. Mais vous l'avez très bien dit tout à l'heure en parlant des croque-morts, ce sont des professions taboues. Parlons des bourreaux. Les bourreaux ont aussi une profession taboue. Ce sont des passeurs de mort. Donc, troisième archive, un récit de fantôme qu'on doit à Jean Thibaudeau. Très très beau récit de fantômes qui date des années 66. Alors évidemment, ben les fantômes, ça aussi c'est commun, ça vient, ça revient, c'est aussi les morts qui nous hantent en permanence. Et je pense que là aussi, finalement, la psychanalyse par exemple, mais pas seulement, toutes sortes de les rituels sont utiles à chasser les fantômes. Oui, alors chasser les fantômes, c'est toujours très compliqué parce que aujourd'hui, finalement, on discute ce statut de fantôme. On peut aussi régulièrement convoquer ces morts, les convoquer dans une situation qui serait une situation de bienveillance. C'est-à-dire que les fantômes ont mis l'accent sur la notion de peur, voire de terreur, de ces êtres qui appartiennent à l'autre monde. Aujourd'hui, on a plutôt des situations apaisées, c'est-à-dire qu'on peut agréablement convoquer ces morts pour leur parler. Par exemple, combien d'endeuillés disent « je parle avec mes morts, j'appelle mes morts, je leur demande conseils » et ils me les donnent, ces conseils. Alors, je sais bien que des fois, c'est moi qui fais les questions et les réponses, mais je vis en paix avec mes morts. Vous voyez, donc en fait, les morts ne sont pas que des entités malveillantes, mais au contraire, si on vit en paix avec eux, on peut au contraire avoir des échanges avec eux et des échanges bienveillants. Et d'ailleurs, dans de nombreuses sociétés, qu'elles soient africaines, indiennes, les morts sont convoqués régulièrement pour avoir des échanges avec les vivants. Et par exemple, on a parlé d'Halloween, on a parlé de la fête des morts, mais que fait-on d'autre si ce n'est convoquer les morts, convoquer leur mémoire? Et ici, tout se passe bien, tout est de l'ordre de l'échange, bien que, effectivement, les morts retournent dans leur territoire séparé du nôtre à l'issue de la fête. Et puis, il y a le fait qu'on sait ce qu'on leur doit parfois, c'est-à-dire les ressemblances qu'on peut avoir, de qui on peut tenir telle et telle manie ou telle et telle passion. Oui, alors les morts sont effectivement des passeurs d'identité, des passeurs, également, oui, mais d'identité, c'est-à-dire que on peut retrouver une affiliation à son mort ou à ses morts. Et aujourd'hui, vous le savez, les Français sont férus de généalogie, ce n'est pas pour rien, ils aiment également beaucoup la muséographie, ils adorent les musées. C'est vrai qu'on a une passion de la commémoration en France, et cette commémoration, me semble-t-il, est fort utile à notre monde, car d'une part, elle nous permet de comprendre l'histoire, et d'autre part, elle nous apporte cette modestie qui nous rappelle d'une part que nous sommes mortels, mais d'autre part, que les morts ont toujours une place, ont toujours quelque chose à nous apprendre. Marie-Frédérique Baquet, comment est-ce que vous définiriez au fond ce qui arrive à notre époque, ce qui nous arrive avec la mort ? Ce qui est frappant, c'est que jusqu'à présent, on l'a vu depuis des millénaires, la mort est toujours humanisée. C'est-à-dire que malgré des circonstances effroyables, catastrophiques, etc., on a toujours tendance, à partir des rituels et avec l'accompagnement minimal, finalement donner sa qualité humaine à la mort et donc aux morts dont on va se séparer. Or, depuis le XXe siècle, et on va commencer, hélas, avec le génocide arménien, donc de 1915, puis l'hécatombe de la Première Guerre mondiale, on est dans une situation où la guerre, où la mort, devient de plus en plus inhumaine. C'est-à-dire que dans les génocides où on laisse mourir, donc que ce soit les Arméniens ou encore que ce soit les exterminations de Juifs, de Tziganes, d'homosexuels et hélas de bien d'autres personnes encore, vous voyez bien que là, on a dénié la qualité humaine même de ces morts. C'est-à-dire que par-delà le massacre, il y a en plus une interdiction de rituel, une interdiction de mémoire. Il y a finalement une espèce de collectivisation des morts qui sont mêlées, entremêlées, et dont on ne peut plus finalement individualiser le mort qui nous appartient, celui qui appartient à notre lignée. Et j'observe que dans la tentation fanatique, terroriste actuelle, la tendance de Daesh, par exemple, c'est à la fois une mise en scène de ces morts, mais c'est aussi une déshumanisation de ces morts. Puisque ici, on voit un mélange, une non-récupération finalement de nos morts et une virtualisation de ces morts à travers, on l'a vu, les médias de cette entité, qui font tout pour justement déshumaniser la mort, lui donner un côté catastrophique, mais en même temps tout mélanger. Et d'où les réactions extrêmes et volontaristes de « Je suis Charlie », où justement notre société, cette société française qui a été attaquée dans ses fondements, dans ses valeurs, se manifeste pour dire « Eh bien, malgré le côté déshumanisé de la mort que vous avez fait subir à nos journalistes et à nos citoyens, par exemple de l'hypercachère, eh bien nous manifestons et nous exigeons la reconnaissance de chacun de ces morts. » Et là, je trouve qu'il y a une réaction culturelle, justement, pour lutter contre de la déshumanisation de la mort. Et en même temps, il y a cette surmédiatisation, en effet. Tout se passe comme si la mort pouvait être représentable. Oui, mais c'est une représentation qui est celle voulue par l'ennemi, en l'occurrence Daesh, qui n'est absolument pas, qui ne rejoint absolument pas un rituel funéraire. Car nous savons bien que dans le monde musulman, les rites funéraires sont particulièrement respectés et respectables. Or là, il n'en est rien. Il n'y a aucun rituel, aucun accompagnement. Il y a une mise à mort. Aucune prière. Ben, absolument. Il y a une mise à mort. Mais justement, contrairement à certaines mises à mort qui donnaient lieu, par exemple, je repense aux fusillades de la guerre de 14, où un certain nombre de soldats qualifiés de déserteurs et qui en fait étaient des gens qui avaient peur ou qui étaient incapables d'aller à la guerre, ces gens ont été fusillés pour faire un exemple, ils ont quand même été enterrés. Ils ont quand même eu droit, je dirais, à des funérailles. Vous voyez que, de même que tout à l'heure, on disait Créon ne voulait pas de funérailles pour les frères d'Antigone, eh bien là, c'est un peu la même chose. Ce sont des funérailles interdites. Et ça, c'est vraiment le comble de la déshumanisation. Car on peut déshumaniser les gens vivants en les maltraitant. Mais on peut aussi déshumaniser les morts. Mais on peut déshumaniser les morts en les interdisant de funérailles. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est une attaque contre la société, mais une attaque contre la culture humaine, celle qui nous lie tous les humains de toute la planète. Or, le plus petit dénominateur commun que nous ayons, ce sont bien les rites funéraires. Donc, vous voulez dire que interdire le respect, le rituel, dû aux morts, c'est au fond une forme de crime contre l'humanité ? Absolument. C'est un crime contre l'humanité. Et d'ailleurs, dans la Convention de Genève, les funérailles sont obligatoires. Enfin, on demande en particulier aux armées de rendre les corps de l'ennemi. Par exemple, et ceci s'est fait pour la Seconde Guerre mondiale dans une très très grande cérémonie dont des historiens nous ont rapporté, ça figurera dans la bibliographie sur France Culture, mais il y a toujours eu des cérémonies de rendu des corps à l'ennemi. Donc vous voyez que même, par exemple pour la guerre de 14, pour la Seconde Guerre mondiale, quand les soldats étaient tués dans le cadre de combats, ils étaient rendus pour leurs funérailles nationales. Or là, bien sûr, on sait bien qu'avec Daesh, ce ne sera pas le cas. Alors, vous avez écrit, Marie-Frédérique Baquet, un livre paru chez Odile Jacob consacré aux nouveaux rites funéraires. Oui, donc ce livre, Mourir aujourd'hui, les nouveaux rites funéraires, en fait, désignait la tendance actuelle qu'a parfaitement décrite Pascal Moreau, qui est du côté de la crémation, donc du côté d'une forme d'économie de temps. Je crois que c'est très important de constater que ce n'est pas seulement l'espace des cimetières, un gain, si vous voulez, de terre ou de territoire des cimetières qui va être obtenu grâce à la crémation, mais c'est surtout le temps, puisque le temps de la décomposition, c'est le temps du deuil. C'est-à-dire que le temps de la cadavérisation organique d'un corps humain, c'est aussi le temps du travail psychique, ce qu'on appelle le travail du deuil, c'est-à-dire ce qui nous permet petit à petit de supporter la mort, de l'accepter et de faire que le mort passe au niveau de la mémoire. Et de tout temps, on a constaté que, bien qu'il n'y ait pas de longévité particulièrement bien définie, mais que l'année, le bout de l'an, comme on disait au Moyen-Âge, est nécessaire pour accepter la mort d'autrui. Ça ne veut pas dire que le travail du deuil sera terminé, mais au moins cette acceptation et le fait que nous puissions nous mémoriser le mort, sans être dans un état de détresse, c'est-à-dire sans être plongé dans le sentiment catastrophique que nous avons, que nous éprouvons lorsque nous venons de perdre un proche, eh bien, le bout de l'an est nécessaire. Or, le bout de l'an, cette année qui passe, est aussi nécessaire pour que le cadavre commence à se décomposer. Donc, avec la crémation, bah, comme vous le savez, on obtient 2 litres, à peu près, de cendres, au bout de 2 à 4 heures de crémation. Donc vous voyez que cette décomposition, en quelque sorte, du cadavre prend 2 à 4 heures au lieu d'une année. Vous êtes très critique alors vis-à-vis de la... Je suis très critique. Non, je respecte totalement. Je dis simplement, j'observe que ce temps psychique est un temps qui est raccourci du fait même de la matérialité de la crémation. Donc ceci questionne bien entendu la crémation et surtout la questionne sur le plan psychique. Beaucoup de personnes nous disent après la crémation c'est incroyable, je n'arrive pas à réaliser. C'est pourquoi d'ailleurs, Pascal Moreau l'a bien souligné, on ne donne plus les urnes tout de suite après la crémation. Parce que le passage d'un corps humain, à une boîte, est impossible psychologiquement. On ne peut pas réaliser ce phénomène. Donc il vaut mieux garder l'urne funéraire, qu'elle soit destinée à un endroit qu'on va décider, on a d'ailleurs 3 semaines pour le faire, et ensuite que cette urne funéraire figure dans ce lieu public qu'est le columbarium. Mais vous voyez, à distance des proches, tout simplement parce que les proches ne peuvent pas réaliser le passage du volume, en quelque sorte, de l'espace tenu par un corps humain à ce volume très circonscrit que constitue l'urne. Donc nous allons écouter la deuxième partie des archives de notre nuit. La première de ces archives, c'est celle avec Toby Nathan, qui s'appelle « La fabrication de la mort, le défunt, l'ancêtre et le bébé ». Ensuite, une deuxième émission qui porte sur les fantômes, zombies et soukounians. Et puis la troisième émission qui est une fiction, un récit de fantômes. Et nous nous retrouvons à l'aube, donc juste après, Marie-Frédérique Baquet. À tout à l'heure.